Chapitre 4. Bienfaisance. La famille Harel continua son genre de vie ordinaire. Le chevalier Floyer, sans chercher à se procurer un entretien particulier, persista dans ses attentions. Et M. Arnott, quoique toujours également modeste et silencieux, ne paraissait exister que par le plaisir qu'il avait de contempler Cécile. Elle passa deux jours entiers chez Mme Delville, lesquels servirent à la confirmer dans l'admiration que cette dame et son fils lui avaient inspirée. Elle accompagnait Mme Harel aux assemblées, ou restait paisiblement à la maison, suivant que son penchant l'y portait. M. Monckton, pendant ce temps, la voyait aussi souvent qu'il fallait pour s'instruire de ses démarches, et pas assez pour qu'elle ou le public puisse soupçonner qu'il eût quelque dessein. Cécile s'occupait de l'établissement de la famille Hill, et elle trouvait dans les détails de cette bienfaisance un dédommagement bien satisfaisant des peines que l'amitié et sa situation lui faisaient éprouver. Le pauvre charpentier venait de mourir. Elle répandit les consolations sur sa veuve et l'assura qu'elle était prête à remplir ses engagements. Elle voulut savoir ce qu'elle était capable d'entreprendre. Sa santé et ses forces ne lui permettant pas de se livrer à des travaux pénibles, elle dit à sa généreuse protectrice qu'avec une somme de 60 livres, elle pourrait être associée à un petit commerce de mercerie que faisait une de ses cousines. Cécile la lui promit. Les larmes de la reconnaissance empêchèrent pendant longtemps cette veuve de répondre aux différentes questions qu'elle lui fit sur ses enfants. Elle se chargea d'en placer deux dans une école d'éducation et d'engager Mme Roberts, cousine de Mme Hill, à prendre chez elle l'aînée et les deux plus jeunes, en augmentant la somme convenue pour l'association de commerce, afin que la mère et la sœur puissent avoir soin des plus petites. Elle alla elle-même faire tous les arrangements. Elle destina 100 guinées pour cette bonne œuvre, espérant avec cette somme de mettre Mme Hill et ses enfants à même de gagner décemment leur vie et ensuite de leur donner de temps en temps de petites gratifications telles que leurs besoins ou leur changement de position l'exigeraient. Il était absolument nécessaire que M. Harel lui rendît l'argent qu'elle lui avait prêté, car elle n'avait plus que 50 livres des 600 qu'elle avait reçus, et elle avait disposé d'avance de l'argent de sa pension, en sorte qu'il ne lui restait que ce dont elle ne pouvait absolument pas se passer. La vue de l'indigence laborieuse a quelque chose en soi de si intéressant et de si respectable qu'elle inspire le plus grand éloignement pour la dissipation et fait détester la prodigalité. Chaque fois que la bienfaisante Cécile visitait la famille Hill, elle sentait augmenter son aversion pour la conduite de M. Harel, et bientôt, surmontant la crainte de lui causer un moment de honte, elle résolut de lui demander l'argent qui lui était dû. On croit bien que M. Harel avait facilement oublié la promesse de rendre dans 3 jours les 200 livres, que Cécile lui avait prêté. Aussi fut-il surpris qu'elle rappela cette dette. Il trouva aisément des excuses pour en retarder le paiement. Il se servit de tous les moyens d'éviter le reproche qu'elle pouvait lui faire sur son inexactitude. Cécile fut donc obligée d'engager Mme Roberts à se contenter de la moitié de la somme convenue et de son billet pour l'autre moitié, ce qui fut accepté avec les remerciements et les bénédictions de cette honnête famille.